La femme française dans les temps modernes. Livre audio gratuit. Œuvre en catégorie sciences humaines de Clarisse Bader. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org. Préface. J'ai cherché dans mes précédentes études la place que la femme a occupée dans les sociétés qui ont laissé leur influence sur notre civilisation. Je termine aujourd'hui mon travail par un ouvrage qui a pour objet la condition de la femme française dans les temps modernes. Les quatre premiers chapitres de ce livre disent ce qu'a été la femme dans la vie domestique, intellectuelle, sociale et politique de notre pays, depuis le XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle inclusivement. En pénétrant dans les vieux foyers français, je m'applique surtout à retrouver les principes sur lesquels repose la famille. Dans cette partie de mon œuvre, j'interroge les personnes qui ont vécu dans ces trois siècles. Je recueille leurs témoignages, ces témoignages que nous livrent particulièrement les mémoires domestiques, les correspondances privées, tous les documents intimes auxquels notre époque attache justement un si grand prix. Pour étudier la part qu'a eue la femme dans notre vie littéraire et artistique, je ne me suis arrêté qu'au modèle qui représente vraiment une influence. Je me suis longuement attardé, comme le voyageur qui, après avoir rapidement traversé les plaines, s'arrête au cime des montagnes. Quant au rôle historique des femmes françaises, je n'y ai cherché que les éléments de ce problème très actuel. Dans notre pays, la femme est-elle apte à la vie politique? C'est dans le chapitre suivant, la femme française au XIXe siècle, que j'ai essayé de résoudre ce problème. Dans ce chapitre, le dernier de l'ouvrage, j'ai successivement abordé les questions suivantes. L'émancipation politique des femmes. Le travail des femmes. Quelles sont les professions et les fonctions qu'elles peuvent exercer? Quelle est la part de la femme dans les œuvres de l'intelligence? Et dans quelle mesure la femme peut-elle s'adonner aux lettres et aux arts? L'éducation des femmes dans ses rapports avec leur mission? Conditions actuelles du mariage? Les droits civils de la femme peuvent-ils être améliorés? Mondaines et demi-mondaines? Le divorce? Où se retrouve le type de la femme française? Ce chapitre, comme l'indique son sous-titre, rappelle avec les leçons du présent les exemples du passé. Ces exemples, je les ai demandés aux précédentes pages du livre et aussi aux ouvrages que j'ai déjà écrits sur la condition de la femme dans la civilisation, dont la France est l'héritière. Le dernier chapitre de mon travail est donc la conclusion, non seulement de ce livre même, mais de toutes mes études antérieures sur la femme. Comme j'ai eu particulièrement en vue la condition de la femme, la partie biographique n'occupe dans cet ouvrage qu'une place secondaire, et seulement pour expliquer par un vivant commentaire ce qui se rapporte à cette condition. La biographie disparaît même complètement lorsque j'aborde le XIXe siècle. Je suis du nombre de ceux qui croient qu'il est bien difficile de parler de ses contemporains avec une entière impartialité. Sans m'interdire quelques allusions aux femmes qui se sont distinguées à notre époque, j'ai tenu à n'écrire dans ces pages aucun nom du XIXe siècle. Ici, les personnalités s'effacent et les principes seuls apparaissent. Il y a 20 ans qu'au sortir de l'adolescence, je commençais l'œuvre que je termine aujourd'hui. Ce travail, objet de ma constante sollicitude, a été interrompu dans ces dernières années par des épreuves domestiques qui semblaient m'enlever jusqu'à l'espoir de le reprendre jamais. C'est avec une profonde tristesse que je croyais devoir abandonner une œuvre qui n'avait été pour moi que la forme d'une humble mission moralisatrice, et dont les souvenirs se rattachaient aux radieuses années disparues pour toujours de mon horizon assombri. En m'attribuant une part du prix fondé par une généreuse amie de la France, la célèbre Madame Botta, l'Académie française m'a accordé un nouvel et puissant encouragement qui m'a rendu à mes chères occupations d'autrefois, et qui m'a donné la force de faire plus d'un sacrifice à l'achèvement de mon œuvre. J'aurais voulu que cette conclusion de mes travaux témoignât dignement de ma reconnaissance, mais pour la réalisation d'un tel vœu, il ne suffisait pas de l'effort qui, dans les luttes d'un incessant labeur, surmonte la peine et brave la fatigue. Signé Clarisse Bader, décembre 1882.